Qatar. Avant d'être premier ministre, il était médecin, il avait été médecin en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, il y avait un peu plus de temps à sa disposition qu'il en avait maintenant. Alors, il avait le temps de devenir un historien amateur. Il s'est intéressé plus précisément à l'histoire de la France au 18e siècle, et plus précisément à la Révolution française, et plus précisément à une invention tout à fait nouvelle qui a marqué la Révolution française, la guillotine. Et oui, Philippe Couillard, c'est un spécialiste de la guillotine. Il a donné 2 conférences sur le sujet. Alors, regardez qu'il y a de la suite dans les idées, parce qu'une fois qu'il est devenu premier ministre, qu'est-ce qu'il fait, Philippe Couillard? Ben, il coupe. Hein? La guillotine, c'était l'idée de couper, mais d'une manière sûre que ça fasse pas mal. Hein? Ben là, ça, il a peut-être moins réussi, parce que ça fait pas mal ses compressions, mais on voit quand même qu'il y a de la suite dans les idées. Passer de la guillotine à premier ministre du Québec, ben, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans son cas. Alors, on va y aller quand même plus sérieusement avec l'austérité en tant que telle. Eh bien, l'austérité, c'est la seule politique, je dirais, du gouvernement libéral. Ils n'ont pas d'autres projets. Normalement, ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est que ça construise des choses, c'est que ça bâtisse des choses. Rappelez-vous comment on a construit le Québec de la Révolution tranquille, quand même, des beaux projets qu'il y avait eu, qui étaient pour les citoyens, les citoyennes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est justement de reculer sur tous les acquis qu'on avait, de couper le plus possible, de toutes les façons possibles. Pourquoi? Parce que, ben, on n'a plus les moyens. Hein? Pourquoi? Étant donné l'état des finances publiques. Pourquoi? Parce qu'on faut absolument atteindre le déficit zéro. Ça fait des années qu'on fait des déficits. À un moment donné, il faut que ça arrête. Et pour ça, ben, on n'a pas le choix. Il faut appliquer des politiques d'austérité. Ben, c'est un raisonnement qui, malheureusement, est très, très fort et qui semble très convaincant pour une partie assez importante de la population. Pourquoi c'est convaincant, ça, cet argument-là? Première raison, parce que ça fait appel à la raison, à la logique. Hein? Ben oui, on a trop dépensé, puis si on a trop dépensé, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ben, hein, il faut couper. Moi, si je dépense trop, là, dans mon budget familial, ben, à un moment donné, il faut que je dépense moins. Donc, c'est parfaitement logique. Et en plus de ça, c'est culpabilisant. Hein? Pourquoi? Parce que derrière ça, pourquoi il faut rembourser? C'est parce que j'ai trop dépensé. Si j'ai trop dépensé, c'est donc que j'ai été irresponsable. Alors, comme j'ai été irresponsable, ben, il faut me punir. Et l'austérité, ben, finalement, c'est une espèce de punition méritée pour le peuple québécois d'avoir pas assez été responsable dans la gestion de ses finances. Et on va faire aussi la bonne vieille analogie avec la famille. Hein, cela, je l'entends régulièrement, je la vois régulièrement. Un père de famille, une mère de famille qui ont trop dépensé, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? On fait des restrictions. Mais ça, c'est un argument qui porte vraiment pas, parce qu'un État et une famille, je m'excuse, c'est 2 choses complètement différentes. Un État, bien, c'est triste à dire, hein, ça meurt pas, ça continue. On est condamné à mourir. Un État, ça doit toujours exister. Hein? Et ensuite, un État peut aller chercher des revenus tant qu'il veut. Hein. Moi, je ne peux pas dire, écoutez, je ne gagne pas un salaire assez élevé, alors je vais devenir joueur de hockey. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ou je vais aller voler une banque, ou je risque de passer un mauvais quart d'heure. Donc, vous voyez, j'aurais beau vouloir, de toutes les façons possibles, aller chercher des nouveaux revenus. Ce n'est pas possible pour un individu, ce n'est pas possible pour une famille. C'est possible, parfaitement possible pour un État. Alors, pourquoi on applique des plans d'austérité? Ben, on nous dit que c'est à cause du déficit. Donc, l'objectif, c'est déficit zéro. Il faut arrêter de faire des déficits. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les déficits? C'est bien sûr la dette publique. Pourquoi c'est si grave de faire des déficits? Parce que ça augmente la dette. La dette, elle est déjà énorme. Et si on fait des déficits en plus, ben là, ça va aller vraiment mal. Donc, il faut commencer par arrêter de faire des déficits, puis ensuite payer la dette, puis ensuite, on pourra peut-être un jour continuer à dépenser un peu plus. Alors, la dette, il faut dire que c'est un moyen excellent pour soumettre une population. Hein, c'est quelque chose qu'on essaye, qu'on a essayé depuis longtemps, dans les années 80-90. On a fait ça avec les pays du tiers-monde. Vous êtes endetté, hein, ben parce que vous êtes endetté, ben, nous, on va vous donner de l'argent pour rembourser la dette, à condition que vous fassiez des politiques que nous, on juge qui sont bonnes pour vous. Hein, et c'est toujours les mêmes politiques, c'était des politiques d'austérité. On appelait ça à l'époque des plans d'ajustement structurel, coupe dans l'éducation, coupe dans la santé, privatise, etc. Donc, la bonne vieille médecine de cheval qu'on applique maintenant dans notre pays. Donc voilà, la dette, c'est vraiment quelque chose qui soumet une population et on a cette obligation morale de rembourser la dette. On entend souvent, ben oui, mais on est endetté, il va falloir absolument rembourser. C'est très important de rembourser et ce n'est pas complètement faux. Si on a une dette, c'est sûr qu'il faut la rembourser. Hein? Mais il faut un petit peu voir le problème d'une manière plus large. La réalité, hein, pourquoi on est endetté? Eh bien, on se rend compte que les dépenses publiques par rapport à l'inflation sont stables. Donc, dire qu'on s'est endetté parce qu'on a trop dépensé, c'est faux. Il s'agit tout simplement de regarder la ligne des dépenses et de regarder ça en fonction avec l'inflation. Et on observe que les budgets pour les finances publiques sont à peu près les mêmes. Pour la santé, c'est le même depuis quelque chose comme 20 ans. Pour l'éducation, c'est à peu près la même chose. Donc, il n'y a pas de changement réel là-dedans. Alors, comment ça se fait qu'on est endetté d'abord, hein, si on n'a pas dépensé plus, si ce n'est pas ça la cause? Eh bien, on se rend compte que dans le monde occidental, et là je vais sortir du Canada et du Québec, dans le monde occidental, eh bien, le problème, c'est la crise de 2007-2008. Hein, rappelez-vous, les finances, les grandes banques se sont littéralement écroulées, et ce que les États ont dû faire, c'est d'investir des milliers de milliards de dollars, des sommes absolument astronomiques pour sauver les banques, parce que si les banques s'écroulaient, ben c'était toute l'économie qui s'écroulait en même temps. Alors, ça fait que les pays se sont endettés, les pays européens. Hein? Alors, donc, les pays européens, les États-Unis, d'autres pays à travers le monde, et c'est ça qui a lancé, dans toute la zone du Nord, cette grande mode des plans d'austérité, à cause de la dette qui a augmenté à cause de la crise. Mais ici, au Québec et au Canada, mais c'est le gouvernement qui dit, on n'a pas été touché par cette crise-là. Pourquoi? Parce qu'on a un bon système bancaire réglementé et que finalement, nous, on ne s'est pas endetté d'une manière dramatique comme d'autres pays pendant cette période-là. Alors finalement, ben, c'est quoi le problème? Hein? Comment ça se fait qu'on a des déficits à chaque année? Ben, le problème, c'est très clair, c'est qu'on a choisi volontairement de se priver de revenus. Hein? Et c'est des sommes, vous allez voir, des sommes qui sont vraiment extrêmement importantes. Alors, si vous décidez de, je ne sais pas, travailler la moitié de ce que vous faites, donc vous perdez la moitié de votre salaire, et vous voulez continuer à dépenser comme vous dépensez normalement, ça ne marchera pas. Hein? Moi aussi, je suis capable de faire des petites comparaisons avec le budget familial, n'est-ce pas? Hein? Mais quand même, là, c'est, disons, un peu plus approprié. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Canada et au Québec? C'est intéressant de tenir compte du Québec, mais aussi du Canada. C'est qu'on va choisir volontairement de se priver de montants qui sont quand même des montants énormes. Alors, je donne quelques exemples. En 2001, le Parti québécois va faire des baisses d'impôts de 4,5 milliards de dollars par année. Les libéraux, quelques années plus tard, vont enchaîner avec 2 milliards de dollars de plus par année. Les libéraux vont éliminer une taxe dite sur le capital qui était payée par à peu près tout le secteur industriel, les banques, les assurances, etc., une taxe qui rapportait environ 1 milliard de dollars par année. Alors, si bien qu'il y a un institut de recherche qui s'appelle l'IREC, hein, qui a fait une recherche, et qui se sont rendus compte que, finalement, le Québec, de 1997 à 2013, pendant cette période, le Québec s'est privé de 8,4 milliards de dollars par année. Hein, c'est des sommes colossales. Ça veut dire à chaque année, ben, on se tire ça de moins. Alors, c'est sûr qu'avec ça, on n'arrive plus. Hein? Alors, donc, il faut voir un petit peu. Et ça, c'est seulement le Québec. Le Canada, qu'est-ce qu'on va faire au Canada? On va aussi faire des mesures qui vont s'arranger pour nous priver de revenus qui sont très importants. D'abord, on va baisser d'une manière très, très significative le taux d'imposition des entreprises. C'était quelque chose comme 27 %, ce qui était en gros dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et maintenant, les entreprises ne payent que 15 % d'impôts. Alors, les entreprises, on nous dit, oui, mais c'est important pour faire ça, parce que les entreprises, s'ils payent moins d'impôts, ils vont investir plus. Et ça va être bon pour l'économie. Là, maintenant, depuis que c'est passé, on peut savoir que tout ça, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'ils font, les entreprises, avec l'argent? Bien, ils gardent dans des comptes, ils vont jouer sur les marchés financiers. Il n'y a rien qui redescend, et ça ne s'est pas du tout réalisé, hein, cette prédiction qui investirait dans l'économie. Donc, on leur a fait un beau cadeau, on se prive d'énormément d'argent, de gens qui sont capables de payer, hein, et on en retire strictement rien. Ensuite de ça, ce que les conservateurs vont faire, ils vont signer des ententes fiscales avec à peu près une quinzaine de paradis fiscaux. que ça veut dire qu'ils vont faciliter l'évasion fiscale et surtout l'évitement fiscal. On appelle ça des ententes sur la double imposition. Ça veut dire que si vous avez de l'argent placé dans un paradis fiscal, bien, vous pouvez le retirer, le ramener au pays sans payer une cent d'impôt. Donc, on peut dire que le problème des fuites fiscales, c'est accentué de manière significative sous les conservateurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel instrument financier, ça s'appelle les CELI. Hein? On dit, ah, c'est bon, la classe moyenne va pouvoir économiser avec ça. On peut économiser jusqu'à 5 000 $ par année. Maintenant, on va hausser ça de 10 000 $ par année. C'est cumulatif, ça veut dire que si je n'ai pas payé de CELI pendant 10 ans, tout à coup, je gagne la loto, puis là, j'ai 100 000 $, mais je peux mettre peut-être ça, 100 000 $ dans mes CELI, pas de problème. Hein? Au début, on disait, ah, c'est bon, ça encourage les gens à économiser, mais avec un plafond aussi élevé que 10 000 $, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça donne un nouvel abri fiscal pour des gens, quand même, la classe moyenne élevée. Et on a calculé, là, l'économiste commence à trouver plus ça tellement drôle maintenant, c'est des milliards de dollars par année qu'on va perdre dans les années qui vont suivre. Il y a eu des évaluations assez précises, mais dans tous les cas, c'est extrêmement inquiétant. Donc, encore une fois, on se prive de revenus, donc de manière significative. Alors, on fait la somme de tout ça, bien là, on est rendu à un moment très, très élevé, un montant très, très élevé. Et c'est important de se préoccuper aussi de ce qui se passe à Ottawa, puisqu'il y a des transferts hein, qui se font. Il y a de l'argent qui arrive d'Ottawa, mais si Ottawa n'est plus responsable d'aller chercher l'argent où elle est, ben on se retrouve effectivement avec un problème de déficit. Donc, ça veut dire que si on a des problèmes de déficit, c'est bel et bien tout simplement, hein, la seule et unique raison, tout simplement parce qu'on refuse d'aller chercher cet argent. Alors, on regarde le problème de la dette. Maintenant, refocussons sur la dette. C'est épouvantable, notre dette, hein? Et puis, il faut absolument la payer, puis il faut faire des déficits parce que c'est effrayant, notre dette. Alors, examinons notre dette. Alors, s'il y en a qui veulent s'amuser ce soir, allez sur le site de l'Institut économique de Montréal. Vous allez faire des cauchemars cette nuit. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le chiffre de la dette. Hein? Puis ça tourne vite à une vitesse vertigineuse. Hein? Là, vous dites, mon Dieu, c'est effrayant de t'endetter comme ça. Puis en plus de ça, à chaque seconde, on s'endette davantage. Ça n'a pas de bon sens, il faut arrêter. Hein? Mais ça, c'est un calcul de dette qui est extrêmement discutable d'abord. On appelle ça la dette brute. Alors, on ne tient pas compte des actifs. Hein? C'est vraiment là pour vous faire peur. Alors, si on regarde la dette un petit peu à tête reposée, puis on se fie sur le calcul d'économistes quand même assez respectables, comme Jacques Parizeau, hein, qui a fait une excellente étude de la dette québécoise, il y en a fait des articles qui ont paru dans Le Devoir, ou même l'économiste Jacques Fortin, qui n'est quand même pas un gauchiste, qui, il y a quelques années, d'ailleurs, trouvait que la dette, c'est un problème. Maintenant, il dit que la dette, c'est pas un problème. Donc, ces deux-là nous disent, et bien d'autres, nous disent que la dette québécoise, elle est sous contrôle. Ce n'est pas quelque chose de grave. Elle est même en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Je vais vous citer Jacques Parizeau qui dit « La dette du Québec en pourcentage du PIB est plus élevée que celle du Canada, hein, qui, elle, je le dis en passant, est très, très basse, mais moins que celle de la moyenne des pays de l'OCDE. » Et ça, il calcule à la fois la dette du Québec plus la portion de la dette du Québec qui est dans la dette canadienne. Donc, moins que celle de la moyenne des pays de l'OCDE, pas la peine de couper dans l'aide sociale pour ça, hein, je cite. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas de problème dramatique de la dette. Elle est sous contrôle actuellement. Et ensuite, d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que vous savez qu'il y a des agences de notation qui sont à New York, hein, et quand la dette s'élève, ben, ils se font un plaisir de rabaisser la cote. Hein, et là, ça fait que les taux d'intérêt deviennent plus élevés. Hein, ils donnent une note au pays, puis si on a une note plus haute, ça veut dire que la dette, le montant, les taux d'intérêt sur la dette deviennent nécessairement plus élevés. Bien, actuellement, il n'y a aucune menace d'aucune agence de notation que ce soit hein, qui trouve qu'il y a un problème avec la dette du Québec. Et ça, quand même, ça montre qu'il n'y a vraiment pas de danger. Et ensuite, même le déficit, hein, le déficit du Québec est un déficit qui est, je dirais, sous contrôle. Qu'est-ce que c'est que le vrai déficit du Québec? Le Couillard et compagnie nous font peur en disant que oh, si on ne fait rien, on va se retrouver avec un déficit de 4,5 milliards. Mais si on regarde les statistiques du ministère des Finances, qui sont quand même les plus fiables, c'est un déficit de 1 milliard. Ce qui n'est vraiment pas dramatique. Alors, on peut se permettre ça actuellement, même si on ne va pas chercher des nouveaux revenus. Alors, on n'est pas en situation de crise économique comme essaient de nous faire croire les gouvernements. Mais admettons, OK, admettons quand même qu'on a un problème avec la dette. OK, alors, je ne suis pas obstineux, là, il y a des gens qui investissent à Montréal, je ne vais pas lui faire de la peine, je veux dire que, OK, on a peut-être un petit problème avec la dette. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on a un problème avec la dette? Hein? Alors, c'est quoi les façons de régler, finalement, les problèmes d'endettement public des États? Alors, il y a plusieurs façons de la réduire, cette dette. Première façon, c'est compter sur la croissance économique. Mais quand même, au Québec, au Canada, on n'est pas en période de décroissance. La croissance n'est peut-être pas énorme, mais il y a quand même croissance économique. Ceci dit, je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas le meilleur moyen de se fier là-dessus, parce que la croissance est assez imprévisible. La croissance, ça peut avoir aussi un effet assez destructeur sur l'environnement. Puis de toute façon, on a à peu près cette conviction que jamais plus, dans les pays très industrialisés qui sont les nôtres, jamais plus on connaîtra des croissances comme on en a eu dans le passé. Bon, disons que la croissance, il ne faut pas trop se fier là-dessus. Deuxième chose qu'on va faire souvent, et c'est ce qu'on a fait peut-être historiquement le plus souvent pour régler des problèmes de dette énormes, hein, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on se retrouve avec des pays qui ont des dettes majeures, qu'est-ce qu'on faisait le plus souvent? Eh bien, on laissait monter l'inflation. Hein? En autre mot, on dévaluait la monnaie, alors il y avait une espèce d'inflation constante, et quand votre monnaie ne vaut plus rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dette aussi ne vaut plus rien. Hein? En autre mot, c'est comme si on remettait tous les compteurs à zéro. Bon, l'inflation, c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de régler la dette. Pourquoi? Parce que c'est très bon, c'est très efficace, finalement, pour faire disparaître une dette, si on ne peut pas dire le contraire. Mais ça fait que les gens qui ont des économies se retrouvent avec rien. Bon, je pense qu'on ne souhaite pas ça, personne. Mais n'empêche que plusieurs économistes très sérieux, comme Thomas Piketty, qui nous dit, ben, nos gouvernements actuellement et les banques centrales sont obsédés par le contrôle de l'inflation. Hein, on ne veut absolument pas que ça monte. Alors, on peut quand même laisser monter juste l'inflation un petit peu, et ça fait baisser la dette. Puis personne, finalement, en souffre. Qui sont les gens qui souffrent le plus de l'inflation? Les gens qui ont des gros, gros, gros comptes en banque avec ben de l'argent, qui ne fait rien, hein? Et ces gens-là, évidemment, vont voir leurs revenus diminuer un petit peu. C'est eux qui sont affectés par l'inflation, pas l'ensemble de la population. Donc, on pourrait aussi, hein, jouer un petit peu avec l'inflation, ça serait possible, pour faire diminuer la dette. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est le défaut de paiement. Hein? Dire qu'on ne paye pas telle partie de la dette. Là, il y a des pays qui font des audits de la dette. Par exemple, l'Équateur en a fait. La Grèce est en train de faire un audit de la dette. L'Équateur est un cas quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé en Équateur? C'est le président Correa qui prend le pouvoir et il décide de regarder de quoi est faite la dette de l'Équateur. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les derniers gouvernements, c'était des dictatures, on avait emprunté de l'argent sur les marchés financiers pour avoir des moyens pour réprimer la population. Mais ça porte un nom, ce type de dette. On appelle ça une dette odieuse. Hein, c'est effrayant, prêter de l'argent à un dictateur pour qu'il opprime sa population. Alors, en droit international, on n'est pas obligé de rembourser cette dette-là. Alors, si bien que Correa a annoncé, on ne paiera pas cette partie de la dette de l'Équateur. Pourquoi? Parce que c'est odieux, puis on a le droit international, de ne pas la payer. Et là, qu'est-ce que ça a fait comme conséquence? Bien, tous ceux qui détenaient des titres de la dette de l'Équateur, ils se sont dit, mon Dieu, ça ne vaudra plus rien, ces titres-là, fait qu'on les vend, on les vend, on les vend. Là, le prix des titres de la dette de l'Équateur est devenu très bas, et qu'est-ce que fait le gouvernement de l'Équateur, pensez-vous? Il a acheté les titres de la dette, qui ne valaient plus rien. Alors là, la dette, ça a fait ça. Et qu'est-ce que fait l'Équateur avec l'argent qui servait au service de la dette? Il investit dans les services publics. Hein? Et l'Équateur s'est littéralement transformé ces dernières années grâce à ça. Donc, vous voyez, lorsqu'on est justifié de le faire, on peut aussi décider de ne pas payer telle et telle partie de la dette. Hein? Alors, ça, c'est plus risqué comme entreprise. En Grèce, on est en train de refaire le même exercice. Qu'est-ce que ça va donner? Les circonstances, ce n'est pas tout à fait la même, mais quand même, on a eu des résultats comme quoi il y aurait une grande partie de la dette grecque qui serait odieuse et illégitime. Donc, j'ai l'impression que ça va pouvoir jouer dans les négociations, sur le refinancement de la Grèce. Autre chose qu'on peut faire aussi, ben, on peut relancer les dépenses publiques. Alors, l'État se met à investir dans toutes sortes de choses. On pourrait investir, par exemple, dans toutes sortes de trucs qui vont améliorer l'environnement. Par exemple, on pourrait investir dans un monorail entre Québec et Montréal, on pourrait investir dans toutes sortes de choses. Et l'investissement public, ben, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que ça relance l'économie et à ce moment-là, avec une meilleure économie, ben, ça fait diminuer la dette. Hein? C'est les bons vieux principes d'un économiste qui s'appelle John Maynard Keynes, on appelle ça le keynésianisme. Ça a marché très longtemps et aujourd'hui, si on ne l'utilise plus tellement, ben, c'est plus sur des questions idéologiques que d'efficacité. Il y a Éric Pinault, un professeur en sociologie, qui est aussi un économiste, qui dit que 1 $ dépensé par l'État, ben, ça rapporte finalement 1,60 $. Donc, vous voyez, ce n'est pas de l'argent perdu, ce n'est pas de l'argent qu'on donne, c'est de l'argent qui revient dans le système économique par une espèce de relance. Ça aussi, c'est très efficace pour baisser la dette. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, on peut tout simplement aller chercher d'autres revenus. Plutôt que de couper, on se dit, je vais aller chercher de l'argent, tiens, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et actuellement, il s'agirait tout simplement d'une petite portion de l'argent qui circule à travers le monde, puis on pourrait payer toutes les dettes publiques de tous les pays. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas d'argent. Il y en a, il faut aller le chercher. Donc, aller chercher des revenus, je vais revenir là-dessus parce que, à mon avis, c'est peut-être la solution la plus pertinente dans la situation du Québec contemporain. Mais qu'est-ce que nos gouvernements proposent? Toutes ces solutions-là, ils disent non, non, non, non, non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Une seule solution, l'austérité. On coupe, tout simplement. C'est leur seul projet pour lutter contre les déficits et pour lutter contre la dette. Hein? C'est vraiment le projet unique. Mais remarquez que nos gouvernements ne font pas preuve d'originalité. C'est la grande tendance internationale que de appliquer des plans d'austérité, que de faire des coupes partout où on peut en faire. Alors, je vais vous donner des statistiques du FMI qui a regardé un petit peu comment ces politiques étaient appliquées. Eh bien, quelles sont ces politiques? Réduction ou plafonnement de la masse salariale. On est en pleine négo du secteur public, c'est ce qui arrive actuellement, c'est ce que le gouvernement propose. Hein? Zéro augmentation avec l'inflation qui agit toujours. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire des baisses de salaire. Donc, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Donc, réduction ou plafonnement de la masse salariale, y compris des salaires dans l'enseignement, la santé et dans d'autres secteurs publics. Il y a 98 pays qui ont mis ça en application. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2012. Le rationnement et le ciblage renforcé des filets de protection sociale dans 80 pays. La réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il nous dit le gouvernement? Hein, il faut travailler plus longtemps et faut diminuer, bien sûr, les retraites. Alors, réforme des retraites dans 86 pays, réforme des systèmes de santé dans 37 pays et flexibilisation du travail dans 32 pays. Alors, tout ça, c'est dans le domaine des coupures. Mais ces gouvernements vont dire, oui, attention, on va aussi aller chercher les nouveaux revenus. Alors, où est-ce qu'ils vont chercher les nouveaux revenus? Eh bien, dans 94 pays, c'est l'augmentation des taxes à la consommation sur les produits de base qui est un système régressif. Hein? Alors, donc, si on veut aller chercher de l'argent, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est d'augmenter les taxes à la consommation. Et ça, c'est tout à fait dans le projet du gouvernement libéral. Hein? Alors, ce qu'il dit, c'est si on va chercher de l'argent, eh bien, il y a deux endroits où on peut aller en chercher. C'est dans la tarification et c'est dans les taxes à la consommation. Et ce gouvernement va même plus loin que ça. Là, l'État haut, puis la commission Godbout, hein, c'est les deux projets qui veulent soumettre à la population, c'est dire, oui, on va augmenter vos taxes, on va augmenter les tarifs, mais on va diminuer vos impôts. Fait que finalement, il n'y a pas d'augmentation de revenus parce que, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est une espèce de transfert de façon d'aller chercher des revenus pour l'État. Alors, ce ne sera plus autant par l'impôt progressif sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'impôt progressif? Ça veut dire que plus vous gagnez, plus vous donnez proportionnellement votre salaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans un grand pot et ensuite, l'État distribue. C'est ça, le système de l'impôt progressif sur le revenu. Hein, et c'est le système qu'on a appliqué, je dirais, des années 30 jusqu'aux années 80. Alors, c'était un impôt qui était extrêmement progressif. Vous savez que dans les années 40-50, aux États-Unis, c'était quasiment la même chose au Canada, le dernier palier d'imposition pour les gens qui étaient plus riches. Alors, savez-vous, il donnait combien à l'impôt? Est-ce que quelqu'un le sait ici? 91%. Hein, ça veut dire qu'il y avait une espèce de plafonnement salarial. Ça veut dire que si tu gagnais au-dessus d'un certain montant, ben, c'est fini, c'est tout. Hein, tu donnes tout à l'État parce que ça, c'est trop. Est-ce que ça a causé une catastrophe économique? Absolument pas. Ça a correspondu à des grandes années de prospérité économique. Il faut dire que la situation n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. C'était le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On reconstruisait le monde. Hein? Mais malgré ça, ça prouve quand même que des impôts élevés pour des gens plus riches n'est pas nécessairement signe de catastrophe qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui. Donc, on veut passer de ce système de progressivité des impôts à un système régressif. Régressif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on est pauvre, plus proportionnellement, ça nous coûte cher. Alors, ce que le gouvernement du Québec nous dit, vous allez payer moins d'impôts, vous allez payer plus de taxes et plus de tarifs. Hein, des impôts, quand on est très pauvre, on n'en paye pas. Des taxes, quand on est très pauvre, on en paye. Hein? Et puis, laisse-moi dire, ça peut être une grosse proportion de votre revenu. Donc, penser à la tarification, eh bien, c'est un système qui crée davantage d'injustices, hein, et aussi qui est beaucoup moins efficace pour répartir la richesse. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Hein? Ben, réfléchissons, c'est certainement pas le système idéal. Alors, c'est ça que le gouvernement nous annonce. Alors, c'est pas ça qui va régler notre problème d'austérité, et c'est pas ça aussi qui va faire qu'on va avoir plus d'argent dans les coffres et qu'on va vivre dans une société qui est meilleure. Alors, l'austérité, le grand problème avec l'austérité aussi, c'est non seulement ça crée de la souffrance, parce que, évidemment, si on n'a plus accès à des services qui sont importants pour nous, s'il faut payer cher pour ces services, je m'excuse, ça nous affecte personnellement dans nos vies. Qu'on ait des écoles qui soient moins bonnes, ça nous affecte personnellement dans nos vies. Qu'on soit malade et qu'on n'ait pas des soins de santé universels et gratuits, ça nous affecte personnellement dans nos vies. Donc, ça, c'est un problème. Mais en plus, l'austérité, ça a comme conséquence de créer systématiquement des hausses de chômage. On le voit surtout en Europe, on applique les plans d'austérité depuis plus longtemps que chez nous. L'économie s'enlise dans une espèce de récession. Hein? S'il y a une baisse des salaires, à peu près, en tout cas qui touche une partie importante, si on coupe des emplois dans la fonction publique et ailleurs, ça fait plus, si on donne moins de soutien aux pauvres, ben ça fait moins de gens qui ont de l'argent pour dépenser, et ça fait qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle une espèce de trappe d'austérité. Eh bien, au lieu de mener l'économie vers le haut, ça mène de plus en plus l'économie vers le bas. Donc, on ne s'en sort pas avec l'austérité, je m'excuse, c'est un système qui ne marche pas pour des raisons bien évidentes. Alors, augmentation des inégalités sociales, ça aussi, c'est une conséquence directe de l'austérité. Mais la dernière conséquence, celle-là, je ne sais pas si c'est drôle ou s'il faut rire ou s'il faut pleurer, mais la dernière conséquence, on dit, pourquoi on fait l'austérité? Écoutez les gouvernements, pour plus qu'il y ait de déficit, puis pour pas qu'on règle le problème, la dette, une fois pour toutes. Ben, les plans d'austérité, c'est comme ça dans tous les pays où ça s'est appliqué. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence de faire augmenter la dette. Donc, on fait ça pour diminuer la dette, mais ça l'augmente. Et pourquoi ça l'augmente? Ben, à cause de l'activité économique qui ralentit. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas très efficace. Hein? Semaine dernière, il y a quelqu'un de Syriza, donc le parti qui est élu en Grèce, qui nous avait dit que avant qu'on applique les plans d'austérité, la dette grecque était à quelque chose comme 130%. Ça a augmenté après 5 ans de plans d'austérité où on a coupé partout, on a fait souffrir des gens, où on a mis des gens dans la rue, dans la misère. Bien, 5 ans plus tard, ils sont pris avec une dette qui est 170% du PIB. Hein? Alors, donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un recul considérable. Donc, on dit aux gens, vous allez souffrir, mais vous souffrez pourquoi? Mais pour souffrir encore plus plus tard. Parce que vous voulez la dette, ça ne se paye pas. Alors, la question qu'on peut se poser, eh bien, c'est pourquoi on fait ça? Mais ça, on ne peut pas dire que les pays ne le savaient pas, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des plans d'ajustement structurel. Dans les années 80, dans les années 80-90, dans les pays du Sud, ça a eu lieu, et ça a donné des résultats ni plus ni moins que catastrophiques. On peut vraiment parler de catastrophe humanitaire. Pourquoi? Parce qu'on demandait aux gens de tout sacrifier dans ces pays-là. Alors, c'est aussi bien les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, les pays d'Asie, qui devaient subir ces recettes du Fonds monétaire international. Vous êtes endettés, vous devez faire ce qu'on vous dit, on vous donne l'argent pour payer la dette, mais à la condition de sacrifier la santé, de sacrifier l'éducation, de sacrifier tous les autres services. Hein. Et il y a un livre qui a été écrit là-dessus, ça s'appelle tout simplement « L'austérité tue ». c'est un médecin et un sociologue qui ont regardé les effets de l'austérité. Ben, excusez-moi, mais il y a des gens qui meurent à cause de l'austérité. Hein? Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue quand même à faire ça. Alors, la question, c'est pourquoi on fait ça? Mais en fait, on se rend compte que l'austérité, en fait, c'est pas vraiment fait pour on se serre la ceinture pendant 2-3 ans, puis après ça, on recommence. C'est un vrai projet de société. C'est une façon de transformer les sociétés. Et pour vous dire que, pour vous montrer que ce n'est pas moi qui le dis, mais je vais citer quelqu'un de très, très honorable, c'est David Cameron, le premier ministre du Royaume-Uni, qui vient d'ailleurs de se faire élire. Mais la première fois qu'il s'est fait élu, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Alors, il a affirmé que ses décisions, ses mesures d'austérité affecteraient chaque personne au pays et qu'elle s'appliquerait pendant des années, voire des décennies. Hein? Alors, c'est là pour rester. Et d'ailleurs, maintenant qu'il s'est fait réélire, M. David Cameron, qu'est-ce qu'il a promis à son peuple britannique? Des nouvelles mesures d'austérité. Vous venez de me réélire. Deuxième phase. Hein? Puis il se fait réélire, troisième phase. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui est comme sans fin, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, aussi bien le gouvernement conservateur de Stephen Harper que le gouvernement de Philippe Pouillard ont très bien annoncé qu'est-ce qui va se passer après les mesures d'austérité. Ben, ce qu'on va faire, ce qu'on va donner à la population, ce n'est pas des nouveaux services, des nouvelles baisses d'impôts. Alors, avec des nouvelles baisses d'impôts, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Des nouveaux plans d'austérité, parce que la dette va augmenter, puis on va faire toujours des déficits. Donc, vous voyez, c'est une espèce de cycle sans fin. Bien, il faut mettre fin, bien sûr, à cette espèce de cycle pervers de l'austérité. Alors, mais pourquoi on fait ça dans ce cas-là? Comment ça se fait que ça ne marche pas? On le sait, vous n'allez pas me faire croire que les gouvernements ne le savent pas. Hein? Bien, ils font tout simplement parce que ça fait l'affaire de du 1%, donc des gens les plus riches. Hein. Et quand, je vais vous citer, c'est vrai, c'est ça M. Letao qui dit, l'impôt sur le revenu, c'est la pire des taxes. C'est la pire des taxes pour sa gagne. C'est vrai, parce que tu gagnes beaucoup, tu es obligé d'en donner plus à l'impôt. C'est bien évident que c'est la pire des taxes. Mais pour la majorité de la population, c'est la meilleure des taxes. Mais lui, il n'est pas capable de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable, dans son gros monde très beau de banquiers, il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe hein, dans la vie tous les jours. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a quand même des problèmes de compréhension. Donc, pourquoi on fait ça? Pour qui ça marche, finalement, les plans d'austérité? Bien, ça marche, donc, pour cette minorité de gens très riches. C'est très efficace, finalement, pour faire un transfert majeur. Et qu'est-ce que c'est, ce transfert? C'est un transfert systématique du public, donc ce qui est public, au privé. Et ça, c'est, les entreprises privées demandent ça depuis très, très longtemps. Alors, que la santé soit des services qui sont fournis par des gouvernements, c'est un marché que je perds. Hein? Que les écoles soient un marché qui est desservi, encore une fois, qui est fourni par les gouvernements, ben, moi, je suis capable de donner des cours privés, ça va faire de l'argent avec, hein? Mais je suis capable de le faire. Toutes sortes de choses que le privé peut faire sont empêchées de faire parce que le gouvernement a. Ben, il s'agit tout simplement d'affaiblir les gouvernements ou de privatiser, c'est-à-dire de se retrouver dans une situation financière pour dire, regardez, la privatisation, c'est la condition essentielle pour s'en sortir, alors privatisons. Hein, le cas de la Grèce, c'est un excellent laboratoire. On a privatisé, privatisé, privatisé encore, privatisé toujours. Il reste encore beaucoup de choses à privatiser en Grèce. C'est ce qu'on voudrait que le gouvernement grec fasse, mais malheureusement, Syriza, il n'est plus très enthousiaste. Il n'est pas très enthousiaste avec l'idée de privatiser. Alors, c'est là que le bras de fer se joue, mais en tout cas, donc c'est excellent. C'est bon aussi pour mettre fin au monopole d'État. Alors, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui agace beaucoup, beaucoup le secteur privé, la SAQ. Comment se fait ça que c'est public, ça? Ça pourrait être privé. Moi, je pourrais avoir là, mon magasin où je vends des alcools. Hein? Alors, ben, c'est sûr que pour nous, on dit, voyons, non, ça n'a pas de bon sens de mettre ça privé. C'est la poule aux œufs d'or. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Hein? Et en plus de ça, on a un bon service dans les SAQ. On a même un meilleur service que là où c'est privatisé, par exemple, en Alberta. Il y a l'IRIS qui vient de sortir un papier très intéressant là-dessus. Donc, mais il y a des gens du privé, hey, ça devrait nous appartenir. La SAQ, Hydro-Québec, imaginez, encore une fois, une affaire, hey, c'est une mine d'or, Hydro-Québec, ça va à l'argent public, ça, c'est de l'argent qui est donné en plus au gouvernement pour offrir. Non, ça ne marche pas, il faut que ça soit privatisé. Donc, vous voyez qu'il y a des intérêts énormes hein, pour que tout ce qui est public soit privatisé, des intérêts financiers. Mais c'est aussi, c'est plus que des intérêts financiers, c'est des intérêts publics, politiques. Pourquoi des intérêts politiques? Parce qu'un gouvernement affaibli, hein, un gouvernement qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus d'argent, qui est lié par le poids de la dette, est un gouvernement qui n'agit plus, un gouvernement qui ne prend plus de décisions, un gouvernement qui ne construit plus. Hein, et ça explique pourquoi le gouvernement de Philippe Couillard, c'est un gouvernement qui est là pour détruire, qui est là pour couper, qui n'est pas là pour rien construire, parce que ça correspond à cette logique et les entreprises sont tout à fait contentes de ça et c'est ce qu'elles veulent. Et en plus de ça, ça ne concerne pas pour le Québec pour le moment, ça prouve qu'on n'est pas si endetté que ça. Hein. Alors, une dette publique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des beaux produits financiers. Hein. Je vends sur les marchés financiers internationaux des titres de la dette de la Grèce, de la dette de la France, de la dette de tel pays. Alors, je spécule avec ça. Hein. Que des gens soient victimes de la spéculation, pas grave. Hein. Il y a des gens qui ont spéculé à la baisse sur les titres de la Grèce. Hein? On spéculait sur l'effondrement de l'économie. Plus l'économie de la Grèce s'effondrait, plus je me faisais de l'argent. Hein? Alors, c'est pour vous dire que l'absurdité un petit peu de la chose. Mais on peut faire aussi, donc, avec une grosse dette, des titres financiers. Donc, on a quand même intérêt à ce que les pays aient des dettes plus fortes. C'est pour ça qu'on va faire des plans d'austérité qui augmentent la dette plutôt que de la baisser. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de logique là-dedans. Alors, dans le fond, ce que les gens comme Couillard cherchent, c'est une nouvelle attribution de l'État. Hein, l'État n'est plus là pour offrir des services aux citoyens. Il n'est pas là pour défendre leurs droits. Il n'est pas là pour défendre leurs intérêts. Hein, l'État, qu'est-ce que c'est sa fonction? Ben, c'est d'offrir aux entreprises les conditions idéales de leur expansion. Donc, c'est ça un bon gouvernement. Qu'est-ce que c'est un bon gouvernement? C'est un gouvernement qui va être l'espèce de courtier des entreprises, qui va leur dire, regarde, venez-vous-en au Québec. Open for business. Hein? Et là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est un gouvernement qui est sérieux au niveau des entreprises. Donc, il y a cette idée-là aussi derrière un État affaibli. On est pris avec un gouvernement qui a cette mentalité-là. Et ça, je le répète souvent. Hein? Ça, je pense qu'il faut le dire. Qu'est-ce que c'est que la lecture de chevet de Philippe Couillard, hein, on en a parlé dans les journaux, c'est un livre qui s'appelle « The Fourth Revolution », il faut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce livre-là, c'est écrit par deux journalistes dits « Economist », une revue très considérée des gens d'affaires, mais ultra-libérale. Hein, qu'est-ce que dit cette revue-là? Mais c'est le problème, c'est que nous autres, les démocraties, on est pris en concurrence avec des pays qui ne sont pas démocratiques. Mais pas démocratiques, eux, ils avancent. Nous, on est pognés avec la maudite démocratie. Hein? Et la démocratie, c'est ce qui nous empêche d'évoluer aussi rapidement là où on doit aller. Dans le fond, qu'est-ce que ces gens souhaitent? C'est une espèce de nouvelle dictature éclairée des affaires. Ben, les maudits syndicats, les associations, les citoyens qui protègent leur école, ben, ils nous empêchent de faire ça. Hein? Alors, le problème dans les yeux de quelqu'un comme Philippe Couillard, qui a distribué ce livre-là à ses ministres, hein, qui a dit à tous ses amis de le lire, le problème, c'est qu'il y a trop de démocratie. Il y a trop de démocratie au Québec. En tout cas, quelqu'un qui pense ça, pour moi, je trouve ça extrêmement grave. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre les budgets d'austérité? Eh bien, se dire, d'abord, l'espèce de... la chose la plus fondamentale, la plus importante, se dire que l'injustice, parce que dans le fond, c'est ce qu'on essaie de faire, un monde qui est basé sur l'injustice, ça n'a aucune justification. Il faut revenir au principe de la justice, d'une économie qui est au service des citoyens et des citoyennes, et non pas aux entreprises. Ça, c'est fondamental. Et aussi, il faut dire qu'il faut arrêter de demander aux gens de se sacrifier toujours pour l'économie et de rien avoir en retour. Hein? Je veux bien me sacrifier, mais donnez-moi quelque chose. Ben là, on dit sacrifie-toi. Là, à un moment donné, quand est-ce que ça va finir? Ben justement, il n'y en a pas de fin, qui nous dit David Cameron. Ça ne marche pas. Donc, il faut aussi que l'économie fasse des choses pour nous, ou encore mieux, qu'on prenne totalement le contrôle de l'économie de manière à ce que ça soit pour nous, hein, et non pas quelques entreprises dont leur seul objectif, c'est de ne pas distribuer les profits qu'elles sont en train de faire. Alors donc, dans les solutions, ben, la chose la plus importante, à mon avis, je l'ai annoncé un petit peu tout à l'heure, c'est aller chercher davantage de revenus. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Dans le fond, si on va chercher ces revenus-là, ben, on ne pourra jamais dire qu'on a des déficits, on ne pourra jamais dire que la dette, c'est un problème. Alors, quelles sont les solutions pour aller chercher davantage de revenus? Ben, il y a une coalition qui s'appelle la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, qu'on appelle aussi la coalition Main Rouge, qui propose une série de solutions. La première, c'est rétablir l'impôt progressif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impôt progressif? Ce que je vous expliquais tout à l'heure, plus on gagne, plus on donne proportionnellement à notre salaire. Avant, on avait quelque chose comme 13 ou 16 paliers d'imposition. On a réduit ça à 3. Le PQ en a ajouté un dernier, mais ça reste une progressivité extrêmement limitée. Donc, il faut rajouter les nouveaux paliers d'imposition et surtout parmi les salaires les plus élevés. Hein? Avec ça, si on faisait ça au Québec, la coalition calcule qu'on pourrait aller chercher 1 milliard par année. C'est intéressant, la commission Godbout a dit « Ah, il faudra en rajouter 9 ». Bon, il faudrait voir un petit peu qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, c'est certainement pas une mauvaise idée. Deuxième chose, il faut combattre les fuites dans les paradis fiscaux. Hein? Alors, actuellement, il y a 170 milliards de dollars canadiens dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est un chiffre très conservateur. Pourquoi c'est conservateur, ce chiffre-là? Parce que ça vient de Revenu Canada. Puis Revenu Canada, bien, comment est-ce qu'il fait pour savoir qu'il y a 170 milliards de dollars canadiens dans les paradis fiscaux? Bien, c'est parce qu'il y a des gens qui leur ont dit. Mais quand on place de l'argent dans les paradis fiscaux, souvent, on n'est pas fier et on ne le dit à personne. Donc, c'est sûr que ça, c'est un plafond. C'est vraiment le chiffre minimal. C'est beaucoup plus élevé que ça. Hein? Et il faut vraiment, au lieu d'encourager l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, comme le fait le gouvernement Harper, il faut bien sûr l'empêcher. C'est intéressant de voir aussi que le gouvernement a quand même annoncé qu'à l'automne prochain, il y aurait une commission sur les paradis fiscaux. Je ne suis pas 100% en confiance, disons, mais disons, donnons la chance aux coureurs et peut-être qu'il y aura une possibilité d'aller chercher des revenus là. Ensuite, autre moyen d'aller chercher de l'argent, tout simplement des redevances sur les ressources naturelles. Alors, ce qu'on dit aux compagnies, ben, vous voulez chercher ça, vous voulez chercher du bois, vous voulez chercher tel minéral, ben, servez-vous, sortez ça du pays, il n'y a aucun problème. Hein? Alors donc, la loi sur les mines est une loi archaïque, la loi sur les ressources naturelles, c'est archaïque, on peut dire, comme ça se fait ailleurs, hein, vous prenez nos ressources, hey, payez-nous pour ça. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être des montants quand même assez intéressants aussi. Ensuite, ce qu'il faudrait, c'est une taxation plus élevée sur les revenus en capitaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons, je suis un travailleur, mais c'est ce que je suis d'ailleurs, hein, et je travaille très fort, et mon salaire est imposé à 100%. C'est-à-dire que quand je paye de l'impôt, hein, alors je regarde 100% de mon salaire, je vais payer de l'impôt sur 100% de mon salaire. Mais si je suis un riche rentier, je m'en vais en Floride tous les hivers, je joue au golf, je me baigne, je me croise les bras, je ne fais strictement rien, bien mon argent fait du profit, lui. Hein, c'est avec ça qu'il me fait vivre. Donc je ne fais rien, mais à combien de pourcentage cet argent-là est-il imposé? Est-ce que vous le savez? 50%. Donc 50%. Comment ça se fait que l'argent du travail est imposé à 100%, puis l'argent des capitaux, dans lequel je ne fais rien, est imposé à 50%? Pourrais-tu monter ce montant-là? Hein, le Parti québécois a essayé de le faire, mais les gens de la finance ont dit « Non, touchez pas à ça. Ok, d'abord, on ne peut pas vous fâcher. Hein, » Puis, il ne s'est rien passé. Mais quand même, ce serait quelque chose qui serait tout à fait possible de faire. Ensuite, rétablissement de la taxe sur le capital. Alors ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une taxe qui était payée par à peu près toutes les entreprises au Québec. Bon, on disait que c'est une taxe qui était mauvaise pour les entreprises manufacturières, par exemple, qui veulent investir. Ils investissent, ils sont punis, ils payent une taxe. Mais pour les banques, pour les compagnies d'assurance, tous les gens qui sont dans le domaine financier, qui n'ont pas d'investissement à faire en tant que tel, eh bien, c'était une taxe qui était très rentable. Comme je vous disais, ça rapportait pas loin d'un milliard de dollars par année. Pourquoi on l'a coupé? Bien, tout simplement pour faire un cadeau à ces gens qui sont très riches. On va vous faire un cadeau, vous payerez moins d'impôts. OK, d'abord, hein, il n'avait même pas... Oui, il avait demandé, c'est vrai, mais quand même, on pourrait rétablir ça. À mon avis, il faudrait mettre fin au CELI. Bon, au moins baisser le montant maximum. 10 000 par année, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Hein, on peut réduire ça de plus que de moitié. Et personnellement, j'enlèverais ça complètement, le CELI. Je trouve que placer de l'argent, si on a de l'argent pour placer, ben on a de l'argent aussi pour payer une part d'impôt, surtout quand on en a besoin dramatiquement, comme c'est le cas. L'organisation dont je fais partie aussi est tout à fait en faveur d'une taxe sur les transactions financières. Alors ça, évidemment, c'est pas... Ben oui, le gouvernement du Québec pourrait en faire une taxe sur les transactions financières. On pourrait dire, on va faire une taxe sur petite taxe de rien sur les échanges à la Bourse de Montréal. Ça, ça se fait. Ça peut se faire dans un pays, ça peut se faire aussi sur l'ensemble des pays. Alors, qu'est-ce que c'est la taxe des transactions financières? Mais savez-vous qu'à chaque jour, il y a des milliers de milliards de transactions financières qui se font tout le temps? Alors, c'est à la fois, on va spéculer sur les monnaies, on échange des dollars américains contre des euros, des produits dérivés qu'on va échanger, des actions en bourse, des obligations en bourse. Ça, ça circule, c'est des montants astronomiques, on ne peut même pas imaginer. C'est plus, c'est beaucoup plus que la moitié de l'économie mondiale. Alors, quand ça va bien, qu'est-ce qu'on reçoit de cet argent-là? Rien. Et quand ça va mal, qu'on fait des gaffes énormes, là, comme en 2007-2008, qu'est-ce qui paye? Vous et moi. C'est des gens ordinaires. Donc, écoutez, le milieu de la finance, il faut qu'il fasse sa contribution. Et sa contribution, ça pourrait être cette petite taxe qui rapporterait, si c'était à l'échelle mondiale, sur tous les produits financiers, ça rapporterait au-dessus de 1 000 milliards de dollars par année. Donc, c'est des sommes colossales. Avec ça, on peut éliminer la pauvreté, on peut assurer une éducation gratuite à tout le monde sur la planète, on peut assurer des soins de santé à tout le monde, sans exception sur la planète. Donc, ça serait quelque chose de formidable. Puis, en plus, ça ralentirait la spéculation, la plus dangereuse, la spéculation à court terme, qui fait que les marchés financiers sont extrêmement instables. Alors, pourquoi ça ne marche pas, cette taxe-là? Tout le monde reconnaît que c'est faisable. Le Fonds monétaire international reconnaît que c'est faisable. Les grands économistes reconnaissent que c'est faisable. Les gouvernements reconnaissent que c'est faisable. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'est pas nulle part avec ça? Parce que les banquiers ont dit non, on ne veut pas. OK, de base, vous ne voulez pas... On veut surtout pas vous déranger. Alors, donc, c'était vraiment sur le bord. À un moment donné, ça a failli avoir lieu. Mais là, les banquiers sont fâchés. Ils ont leur poing sur la table. Les gouvernements ont reculé. C'est vraiment ça qui s'est passé. Alors, donc, il faut continuer à faire des pressions pour ça. Et il peut y avoir aussi, bien sûr, une taxe à la consommation progressive aussi. Si on achète une petite auto, une petite voiture peu polluante, si on achète un gros 4x4 hyper polluant très, très cher, on paye le même montant de taxes. Il pourrait y avoir une taxe sur les produits de luxe, comme dans plusieurs pays. Alors donc, vous voyez qu'il y en a des possibilités d'aller chercher de l'argent. Et ce qui me fascine, c'est le gouvernement libéral, c'est qu'ils ont la volonté ferme et absolue de ne rien chercher de plus. Alors, c'est très clair. Tout le cadre avec lequel la commission Godbout travaillait, c'est vous n'allez pas chercher une scène de plus. Et si vous allez chercher un peu d'argent, il faut couper ailleurs. Si on monte les taxes, on baisse les impôts. Avec ça, l'État ne se fait pas une scène de plus. On demande de couper partout, mais il n'y a pas le droit d'aller chercher l'argent nulle part. C'est un fichu problème. Alors, quand on veut avoir des bons services de santé, des bonnes écoles, des bonnes routes, si on veut s'occuper de nos pauvres, si on veut s'occuper des gens qui ont besoin d'aide, mais je m'excuse, il faut aller en chercher de l'argent. C'est très clair, c'est pas en coupant qu'on va y arriver. Alors donc, comme conclusion... Eh bien, en fin de semaine dernière, j'étais parmi des chanceux qui étaient à la conférence qui avait eu donnée par Alternative, où il y avait des gens de différents partis politiques, Die Linke en Allemagne, il y avait Podemos en parti de gauche espagnol, quelqu'un de Syriza, dont je vous ai déjà parlé, Québec solidaire était invité aussi là-dedans. Eh bien, il y a quelque chose du représentant de Podemos qui m'a frappé, une de ses affirmations que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Alors, il dit, il faut choisir entre l'austérité ou la démocratie. Ça ne va pas ensemble. Il faut choisir l'austérité, la démocratie. Et si on regarde à quelques exceptions près, par exemple David Cameron, il dit, moi je vais faire des plans d'austérité, les Britanniques votent pour lui. Bon, vous allez me dire, c'est leur problème des Britanniques, mais c'est aussi le problème du système électoral là-bas, qui fait qu'un parti qui n'est pas majoritaire, il n'était pas majoritaire, peut prendre le pouvoir puis devenir un parti majoritaire. Bon, les Anglais sont pris avec ça. Mais n'empêche que dans la majorité des pays, l'austérité est imposée sans débat démocratique. Et je pense qu'au Québec, on est dans un des plus bels exemples de ça. De quoi on a parlé dans la dernière campagne électorale? On a parlé de la charte sur la laïcité. On a parlé, mon Dieu, du référendum. Ça, c'est vraiment épeurant. Donc, du référendum. Et avec quoi nous arrive le gouvernement libéral? Des plans d'austérité dont on n'avait pas parlé. Tout ce qui a été dit là-dessus, c'est jamais les libéraux vont toucher aux services de première ligne. Avec les doigts croisés en arrière. Donc, c'est ça qu'on nous a dit. Donc, il y a quelque chose d'antidémocratique dans ces décisions. Je peux vous assurer que dans la majorité des pays où on applique des plans d'austérité, ce n'est pas démocratique. Peut-être un des cas les plus caricaturaux de ça, c'est le cas de la Grèce. Vous savez, la Grèce applique des plans d'austérité pendant plusieurs années. Là, il y a un président qui dit, écoutez, j'aimerais ça consulter la population. Tiens, on va faire un référendum sur l'austérité. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre président, Papandreou, si ma mémoire est bonne? On l'a remplacé. Il n'y aura pas de référendum, puis toi tu sors. Hein? Puis on l'a remplacé par quelqu'un de qui? Il venait de où? Un banquier de la Goldman Sachs. Alors lui, c'est sûr qu'il va faire la job. C'est ça qui s'est passé en Grèce, hein, quand on a voulu oser questionner la possibilité d'un plan d'austérité. Donc, austérité, démocratie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus, OK, pourquoi ça ne marche pas? Parce que si on s'attaque au service public, à quoi on s'attaque? On s'attaque à quelque chose qui est absolument fondamental en démocratie, on s'attaque au principe de l'égalité. Hein? Un service public, ça tient compte de cette chose fondamentale, tous les individus sont égaux. Alors, peu importe le pays d'où tu viens, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe tes convictions politiques, je vais te donner le service exactement de la même façon. C'est ça, un principe fondamental de la démocratie, tous les gens sont égaux. Bien, actuellement, dans le monde de l'austérité, ça fait qu'il y a deux catégories de citoyens, ceux qui sont capables de payer et ceux qui ne sont pas capables. Hein? Puis je m'excuse, ces deux personnes-là, ces deux groupes de personnes n'auront pas la même vie, n'auront pas les mêmes services, ne seront pas le même service en santé, même dans l'éducation, on peut passer par des institutions élitistes. Et si les étudiants n'avaient pas manifesté en 2012 les droits de scolarité, qu'est-ce que ça aurait donné? Hein? Comme aux États-Unis, un système où on paye 40 000 $ par année pour les droits de scolarité, pour dire que c'est juste ça, c'est ça la démocratie. Je m'excuse, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est-à-dire au Québec, on n'était pas rendu là, mais on avait quand même fait la première marche, hein, les premières marches pour se rendre dans ce système-là. Donc, s'attaquer aux services publics, c'est s'attaquer à la démocratie. Et qu'est-ce que va permettre aussi, accessoirement, l'austérité, et ça, on le vérifie depuis plusieurs années, c'est de limiter grandement le débat démocratique en faisant quoi? En cessant de financer tous les groupes de défense, les groupes qui contribuent au débat démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on a coupé ces derniers temps? Hein, le gouvernement Harper, quand il est rendu au pouvoir, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a coupé les groupes de femmes, les groupes qui défendaient les intérêts des femmes. Et Dieu sait qu'il y a une des batailles importantes à faire là-dedans. Le gouvernement libéral, sous Mulcair, à quoi il s'est attaqué? Aux groupes écologistes. Coupe radicalement le financement des groupes écologistes. On va s'attaquer aussi aux groupes de défense de droits qui sont de plus en plus fragilisés, à l'action communautaire autonome. Donc, ça fait que toutes ces voix qui sont essentielles pour le dialogue, hein, pour la conversation démocratique, comme disent certaines personnes, alors toutes ces voix-là sont coupées. Ben, je m'excuse, on n'a pas la même démocratie. Alors, si la démocratie, c'est aller voter une fois tous les 4 ans, et fermer notre gueule pendant toutes ces années-là, eh bien, ça risque de tourner mal. Et les prochaines élections au gouvernement fédéral sont particulièrement importantes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que le projet des conservateurs? C'est d'éliminer une voix qui est très forte au Canada et surtout au Québec, c'est de s'attaquer cette fois-ci au mouvement syndical. Hein, c'est parmi un des derniers qui reste quand même assez solide. Ben, je peux vous assurer que c'est dans la mire des conservateurs. Et s'ils sont majoritaires, ça va être extrêmement difficile. Le plan est fait, c'est copier aux États-Unis ce qu'on appelle le mouvement « Right to Work », hein, où on va rendre un peu facultatif, finalement, le paiement qu'on donne ou l'engagement syndical. En tout cas, c'est assez compliqué, mais ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, on s'attaque à ce moment-là à un autre élément fondamental de notre démocratie. Donc, finalement, l'austérité, c'est une transformation radicale de la société. C'est une attaque contre nos valeurs les plus importantes, la démocratie, la solidarité, l'égalité. Il faut la combattre par tous les moyens. À mon avis, on a bien commencé quand même ce printemps, quoi qu'on en dise. La bataille risque d'être encore plus intense et je l'espère beaucoup plus forte l'automne prochain. Et j'espère, bien sûr, qu'on sera là, chacun d'entre nous, pour dire qu'on n'en veut pas de ce monde d'austérité tel que le veulent à la fois les libéraux, il ne faut pas les oublier, aussi les conservateurs à Ottawa. Alors, voilà, c'est en gros la présentation. Merci.